nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission Trian Now à Perugen, 389. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot dont on a déjà un peu parlé une fois quand on parlait du beurre. Et donc c'est le mot ribot. Ribot, donc R-I-B-O-T. Hein, donc qui est un mot très répandu, hein, bien sûr que... on a souvent entendu. Donc, alors c'est un mot masculin. Hein, par exemple, on va dire, alors ça veut dire barat, hein, dou ribot par exemple, hein, puisque au masculin, quand on dit deux, c'est dou. Hein, donc dou au féminin. Et dou au féminin. Alors dou ribot, donc voilà. Alors c'est un mot qui est emprunté en fait à un ancien mot français qui est ribot. Hein, et qu'on retrouve, c'est pour ça qu'on retrouve ça aussi en gallo. Et en gallo, en fait, il y a le mot existe sous deux formes, hein, au masculin et au féminin. Donc au masculin, le ribot, c'est le piston, hein, qui dans les anciennes barates, il y avait un manche et avec un cylindre, enfin un disque à extrémité. Hein, les barates qui étaient d'abord en argile cuite, hein, et puis pris quoi, comme on dit en breton, et ensuite en bois. Hein. Mm-hmm. Et donc le piston, donc ça s'appelle le ribot. Et au féminin, ben, la ribote, c'est la barate proprement dite, quoi. En galop. Alors en breton, le piston, on l'appelle vase ribot, hein, or vase ribot, hein, et pour la barate, on dit ribot, hein. Mm-hmm. Ribot, voilà. Alors on va avoir, c'est assez amusant, on va avoir tous les termes qu'on a en gallo, on va avoir le parallèle en breton, hein. Par exemple, la ribotée en gallo, on va avoir ribotade en breton. Mm-hmm. Et puis le verbe hein, ribotat, hein, qui veut dire faire barater en fait, hein, faire du beurre, donc qu'on va trouver aussi en breton, hein, ribotat. Hein. Par exemple, il y a une chanson sur une Paul Kaplan, Peve mangos ribotales, ne ve que paya pato. Hein, voilà. Quand ma grand-mère est en train de barater, alors on disait, elle ne fait pas des crêpes, on disait ribotales, hein, riboter le lait, alors qu'en fait c'est la crème, hein, puisque on est crème d'abord, hein, pour faire le beurre, et on laisse la crème s'acidifier un peu avant de travailler, quoi. Voilà. Alors donc ce mot ribot, hein, est assez employé. Et puis c'est un mot culturellement important, quoi, parce que bon, on a tous connu, bien sûr, aujourd'hui on voit moins faire le beurre, hein, puisque le beurre est fabriqué industriellement surtout. On en fait encore un peu, très Margat, à Saint-Nicodème. Oui, c'est pour ça. Oui, et c'est pour ça que je le dis, c'est moins, mais enfin, il y a encore des gens qui en font. Et d'ailleurs, les qualités gustatives, à mon avis, est nettement meilleure. Ah oui. Par rapport au beurre industriel qui fait aussi avec des barates, en fait. Alors il y a beaucoup de, comme c'est très ancré dans la culture, il y a beaucoup de choses là autour de ça, hein. Par exemple, un peu partout en Europe, on retrouve cette histoire qui veut que le beurre a été inventé par une grenouille qui était tombée dans une jatte et qui bon, à force de palmer, de remuer pour essayer de sortir, à fabriquer du beurre. Alors oui, c'est une histoire qu'on trouve dans toute l'Europe, hein. Alors ici dans le Kreisbreis, on situe ça au Waff, en Trémargat, et c'est l'histoire de la grenouille du Waff, hein. D'accord. Voilà, mais on la trouve un petit peu partout, quoi. Et donc à force de remuer, ben ça avait fabriqué du beurre, quoi, hein. Voilà. Et puis le matin, quand la fermière était venue chercher sa jatte de lait, bon, elle avait trouvé du beurre, un début de beurre dans la jatte. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, ben, le verbe, ben, c'est ribotade, hein. Et on va trouver, en gallo, l'équivalent, c'est riboté. Alors, on dit, pour le baratage, ribotade, hein, ou ribotère, ça, hein. On a deux mots possibles, hein. Et puis, la personne qui barate, c'est ribotor, hein. C'est aussi, d'ailleurs, employé au sens figuré pour quelqu'un qui parle beaucoup, ah. Ribotor, hein, qui continue. ça fait, bah oui, ça fait un peu baratin aussi, voilà. Quoi. Hein. Ouais. Voilà. Alors il y a aussi des histoires sur les voleuses de beurre là, ribotéreuses nonces, hein. Bon, parce qu'on disait que certaines personnes pouvaient finalement voler le beurre d'une autre personne, et la personne qui était volée n'avait plus de beurre, ne produisait plus de beurre, quoi. Bon, ça c'est un peu des légendes, mais enfin c'était quelque chose qu'on a entendu souvent, hein. Alors le riboteur, hein, riboteur, c'est à la fois la personne qui barate, et ça c'est aussi dans les barates à piston, c'est le fameux piston. Hein. Et on pourrait d'ailleurs utiliser ça pour le piston d'un moteur, par exemple, hein, tout ce qui va et vient comme ça, quoi. Mmh. Hein. Bourville chantait qu'est-ce qui nous fait réussir dans la vie, c'est le piston. Eh bien, c'est une chanson assez amusante. Eh ben, on pourrait avoir la même chose. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le babeur en français, qui est le lait ribot, hein. Le lait ribot en pays gallo et l'aise ribonne en breton. Mm-hmm. Voilà. On va trouver ça aussi, quoi. Alors, oui, alors j'ai dit les barates, en fait. Au départ, on a eu des barates en terre. Hein. On trouve une phrase, par exemple, dans le dictionnaire de Jules Gros. Guegelgo, the vigère, ribota ou les pris. Hein, donc des barates en terre cuite. Hein. Voilà. Et puis alors, beaucoup d'expressions. Ah oui, des expressions, par exemple, genau wie velo ribot, c'est-à-dire stupide comme une barate. Et on disait aussi, non que grande bano ribot, hein. Je ne suis pas né dans une barate, hein, pour dire je suis quand même malin, quoi. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Alors on retrouve ah oui, je n'ai peut-être pas dit que le pluriel c'est ribotou, hein. Alors on retrouve ce mot barate, on le retrouve déjà dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, et qui précise d'ailleurs que c'est la barate en terre cuite, hein, et que quand elle est en bois, c'est baraz, hein, baraz, qui désigne un fût en bois. D'ailleurs le tonnelier s'appelle barazeur, hein. Mmh. Alors il y avait traditionnellement, j'ai surtout parlé de la barate à piston, mais il y avait aussi la barate basculante, hein, nimpenres, hein. Et puis il y avait des barates avec des pales à l'intérieur, quoi. D'accord. Il y a plusieurs systèmes de barates, en fait. Voilà. Et ma foi, tout ça, ça donne du très bon beurre. Et d'ailleurs, le breton, nous, on était dans la culture du beurre, ouais. Hein, puisqu'il y avait pas de fromage, hein, mais on pouvait faire du beurre toute l'année, hein, donc il n'y avait pas besoin de conserver longtemps. Et le fromage est plutôt dans la culture des pays qui ont besoin de conserver le beurre sur une longue période, quoi. Ouais. Tandis que nous, on fait du beurre toute l'année, ben voilà, ben on a fait notre beurre finalement, donc on va s'arrêter là-dessus. Merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brezhonek tant matin. Thank you.

troisième partie d'émission, Petra Zoneve Arvro Eri. Calze draouz o neve arvro evel jus boerveje di ouzan. Krogom de diantan evel custum, gant de l'or bourdouar hag a vue oa ar mez. Eruion bremont bantnan, bon guire, ne ke gwal vand an amzor c'hoaz, ne ke gwal kalz gwal ar vi baneve amzor, an amzor baneve amzor zo be yin, ravel zo bet, hag a neus ket bet kalz de vezioù amzor wao. Met spimeus me mestra o ve gwell ar an amzer ur vech peneket, ba mis vwen, pe ba mis est, gwellet vo. Gaz e vefe be mad, vid un dut, vid spir ad un dut, hag e vid un trevad o evel just. Bon, gwellet vo. Gwell a mem moa, pu on komz deus la bourdouar, komz a moa war lanne deus skud en e chalotes. Un dud an meus o custum de lakat chalotes, de zibi chalotes. Ma trez un neuptor vigwegel, me me meus trave, kav a kalz chalotes oaz ba li orjou. Hag tout un dud war mod, or pen chalotes neket or pen onion. Met bremañ zo kudeno, deja zo bet da ganzi, pudur zo tud a lakat onion hardet, ave lakat din dan nang chalotes. Hag un onion n'eo ket chalotes. Ha setu zo sort brezel vid chalotes. Ha tre tud bro a land a tud zbreiz am. Ha ma meus bremañ ba meus gwellet ba loare a eus ve laket de onion hot a ve laket warne en chalotes. Ha gant se ma bren et chalotes di oa lenn mat. Ka ma trezen pou onion vid ba plaz e chalotes. Ma meus tra jonjan vo Vous avez donc disclum benek de nafar ze benefin. Bon. Kalze du de skian zo ur mareman au klask hinchou neve vi de l'arbourdoua. De zeve kom ze kal, hein, pesa mod a halfe l'arbourdoua re brovrans don mes de zun toul l'air manquet. Hag mesken dutse, un du de skian, zo nan a zo hang Daniel Naon, hag on den zo ampar doar un douarou an eskrive de lever, Sauvons l'agriculture. Hag zonjalra e gwal boan change mod de broduin gant doujans de ze nature a deus un douaro. Bon kal se draouz o beskrive war ze, me benefin ne ket gwal skler an trou vi kado nen vin don mez deus un toul. Bon, pe on kom zon tamm deus un endro, un DL oa bet digor kal ze liorj ou bavro, hag zo bet kal ze dud o fel le liorj ou peut dire blichtei, de vrotonne da, am blichte liorzu, da skwer oa o jardin ba telen, zo zezo war barouz la ruen, a kalz liorzu el roaz, on tam ba boul vriag a lerel, un dro de gal aga, hag bon zo be kalz dud a zo et vel liorzu, pudur ne oan de vel pe sa mod ve gret vi kard bleun ou legumas a bepsor trao. Bon, kamzan mon tam bremañ, deus ekonomi ez ar vro. En deel oa be imbane do on en klas o begret gant ar strolat mobilite o nan war nugen war linenu hentu ar de vel pe sa mod ve fe be moyen de din gali en eche ou ouan banam zon de zon. Hag prezident de strolat ze e en otre vulup duron a zo mer ba kan ba bro Normandie a senatour. Hag hez neus graet ur studi a neus laket ma peuswan ne vo ke neus jonget vefe be mad gotaz daou vil tregon de gaz lin an anti ez vras deus roazan beta brest a beta kemper hag evel just pen o braz o breiz an menin ke kont an granze putur o a be promet de vije be graet ze ma blavezou de zon. Bon, gwell vo pe sa mod vo kont gant un nentouar de ziz ur war vo rad komzet prestig. Un DL bar ostren, vi komzon tamm de spesso bavro, oa be igor ed war an ton de braz, liors ba kreistier, liors vanten, pe le dier vanten vel velaret, hag zo l'air bra tri virionne, hein, gant l'air vi tout un dut benefin koz a yawan. Hag un daou doulkar d'an barz eo zo be ranvet o nan Filomena Cadoré hag on el Simone Lemoigne. A zez on dravad lakad de ranlo tud de zorvro. A liz meus be komz d'an meus Filomena Cadoré Wades Bonnen, hein, Hanve de ce non plus une Kulmi Garvor, Hagen de Sgred, de Scrive Calzedrow, Brezonek, Vel Canoën, ou, hein, Vel Valherien, hein. Tien dans la gouloude, miglever falherien. En grenouille, une braterie, puis Yannick Villevichère, avec comme cela. Mais Yannick Villevichère, mais Yannick Villevichère. Avec, puis sa mot droise, vatesien, hein. Un œil de richon, un gnôle zolowen, hein, bon. Calze grenouille nous dit ça. Avec Philomène Lacadoré, de scrive calze droit ou barzonné, ou, à pénade, ou scrive à bourgmer trop. Alice, me bicombe, divé de Simone Hormoigne, hein. Puis dire, Simone Hormoigne, ou à de smorgor, bah, trégorm. Avec, ouah, olivour, zom, par tré, hein, de scrète calze droit. À scrive, ne divé barzonné, ou, hein. Bon, puis on compte, je, de sais, justement, de Simone Lemoigne. Hiver, il mère, ben, la reine morte, il mère, Simon, et Anne Vinès, une prof de, on dolen, de Simon Hormoigne, de Ticker Gronvel. Ah, voilà, que, bah, ça, le conseil, bah, Gronvel. Ah, que, moyenne de nuit, dont de vel, un dolen, ça. Péon de Combs de Igor, il trouve, à un ton bras, mameuse maudoua, Igor, d'NDL, Myrdis, en conan, Myrdie patriote de ma personne, puis durement, assez, mais qu'on te dise, t'aurais patriote de part de Brezel. À calze du déroyen, non, un péno bras, à pé, à une minute, hein, bob sort. À que, miwa bépide, d'aon bédette. À me scade, plijus, clé d'or vugale, bugale orvro, bugale un RPI, velver. Ne scande de, amzer helles, hein, le temps des cerises, une galac. À me scade, zébra. Quand veut me splie, j'y vais, comme joue un nitron, Marie-Jo Chombard de l'eau, heure plat gros, mais de l'hémisphère, à gagner ce comme ce clair, à hib, hard, ou ma personne, j'ai bichetine pv, comme je dis ça. Plusieurs rondes comme de ce nitron, Chombard de l'eau, heure plat elle, de ce vro, de ce boulevrier, puis l'arrêt de mode, Denise Orfloïc, ou à grande de, Denise Orgret, hein, péwayo, de ce, au foro, il hang, de straight, de ce bourg plouvaba. Donc, n'en, bah, de ce bourg plouvaba. Bah, fille de Miss Wen. Ag, bu et, heure plat, c'est au bécompte, quand Jean-Paul Roland, des vaisseaux, hein. Ag, bon, sais-tu, vos, Igor, de n'en, à la reine de non, Denise Floyd day. Bon, les vaisseaux une bande de un hiver à Noah Hunter Camp de The Gallow and Pays d'Arguat à Gallow and The Veca de Bonne Calze Drop de Diantan The Veca d'Histoire Skulls and Anton Boulevriac The Scrive de Grand Jean-Paul Roland à Waller Nazé au temps scrive ou parous carnoët or penadas au bescrive de Blamino Hantrugen grand Joseph Guigan ag un penadels au war noblance mini briac scrive de grand Yannick Botrel ag bon hendel walers au un temps penad scrive me sgred mi war histoire lore histoire pure d'ag histoire lore à Waller, c'est, n'a, Hans, au, bu et, Joseph Marie était, ou à personne, zombé personne bas en égant, à Waller, personne, en service, pèlerine mode. C'est du vec, calze drogue, bah, gelow, en pays d'argoite. Bon, Hendel, peut-ce qu'elle est de, ou à Béchao, au nom de réseau chombe, département ni la Guilen, un angle brétilien, on doit faire du soir. On me fait l'art costarmoricande, mais monsieur Béclé veut-tu de l'art ou une costarmoricande? Guy au nom de monsieur Béclé, de notre ou le breton, mais Hénel, monsieur Béclé, est-tu de l'art ou une costarmoricande? On va en quête au calze du d'alard ou une brétilienne, puis brétilienne, on va en quête à puis ça m'avait fait bélarder une braison de quin. Weldo. Mais de, bon, à Hendel, me squelle, ouais, Piqué yarmen yarazohat krog dor de la bourre ad bakar noeda. A blanc me vaugrède au nebelzen, roisvel zankado, zankado zo bopet pitur, zankado zo ze loram. Hag bon, ze zo brau. Bon, se tu grem me montant men tro de spezoa neve bavro. Hag ben vegel volar a roas. Kenavo, chilo e an er. Kenavo, Eric.